Piste 35. Exercice 2. Les sons E, E, O. 1. Les quartiers. 2. Au port. 3. L'immeuble. 4. Les musées. 5. Le cœur.